بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc toujours le chapitre 10. L'auteur qui nous dit est d'après Saïd ibn Malik, le Coran est descendu sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a alors récité durant un certain temps. Ils dirent, ô messager d'Allah, si seulement tu nous le contais comme une histoire. Allah fit descendre alors sa parole, Alif Lam Ra, voici les versets du livre plein de sagesse. Il leur a alors récité durant un certain temps, rapporté par Ibn Abi Hatim avec une bonne chaîne de transmission. Il rapporte aussi, d'après Al-Mas'udi, d'après Al-Qasim, que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam furent lassés une fois et dirent « Ô messager d'Allah, raconte-nous des récits. » Alors le verset descendit. Allah a fait descendre le meilleur des récits, un livre dont certains de ses versets se ressemblent. Puis ils furent lassés une autre fois et dirent « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, raconte-nous des récits. » Alors Allah, tabaraka wa ta'ala, le puissant et le majestueux, a fait descendre sa parole. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie face au rappel d'Allah? Et Ubayd, ici, l'auteur, il a marqué Ubayd, mais donc j'ai gardé comme l'auteur, il a marqué. Mais en réalité, le nom, c'est Abu Ubayd. C'est Abu Ubayd, c'est ce qui est voulu ici. Et donc, et Abu Ubayd l'a rapporté de certains tabi'in. Et il est mentionné, et quand il demandait des récits, il les dirigeait vers le Coran. Et donc les deux hadiths, barakallahu fikoum, les deux hadiths qui ont été cités ici sont faibles. Les deux hadiths qui ont été cités ici sont faibles. On a ici donc des tabi'in qui nous citent des récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les tabi'in qui n'ont pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est voulu dans ces deux récits à chaque fois, c'est le fait que donc le Coran est meilleur que les histoires, les contes, etc., etc. Les gens, ils aiment bien qu'on leur raconte des histoires. Et c'est pour ça que souvent, tu vois, parfois, les imams YouTube qui racontent des histoires, et les musulmans, ils aiment trop, tu vois, les je sais pas combien de milliers de vues, etc. Tu vas voir à côté un imam qui va faire, donc, le Coran, il te cite un verset du Coran avec un hadith pour expliquer le verset, ça n'intéresse pas grand monde. Nous, on veut des histoires. On veut des histoires, ouais, j'ai vu ci, ça, ça, ça, etc., etc., etc. Et ça, c'est la faiblesse des gens. La faiblesse des gens. Le fait de s'éloigner de ce qui nous est réellement profitable. Et de délaisser ce qui nous est réellement profitable. Et donc, les meilleurs des récits, les meilleures des paroles, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, à la page 18. Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, disait tous les jours dans chacune de ses assises. Ah, on a déjà fait une khutba sur ce hadith. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et donc là, ça va être un rappel. Mu'ad ibn Jabal, donc, lisait tous les jours dans chacune de ses assises et ne délaissait cela que rarement. Il ne délaissait cela que rarement. Et donc, il le répétait souvent. Souvent, il répétait cette parole qu'on va voir. Qu'est-ce qu'il disait ? À chacune de ses assises, Allah juge en toute justice. Ceux qui sont dans le doute sont dans la perdition. Ceux qui sont dans le doute sont dans la perdition. Effectivement, barakallahu fikoum, ô chers frères, notre religion nous appelle à la certitude. Le fait de ne pas douter. Innama al-mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi. Il nous dit tabaraka wa ta'ala, donc sourate 93, Al-Hujurat, le verset 15. Certes, les croyants, ce sont ceux qui ont cru en Allah et à son messager, puis n'ont pas douté. Et donc l'individu doit apprendre sa religion. Il doit apprendre sa religion afin de ne pas faire partie de ceux qui doutent. Si tu n'apprends pas ta religion, comment est-ce que tu vas la savoir? Comment est-ce que tu vas avoir la certitude? La certitude sur quoi? Tu n'as la certitude sur rien en fait, puisque tu n'apprends pas ta religion, tu ne la connais pas. Et donc il est important que chacun d'entre nous fasse des efforts pour apprendre cette belle religion et avoir la certitude. Et ensuite, après avoir dit cela, donc Mu'adh, après avoir dit, donc ceux qui sont dans le doute sont dans la perdition, il dit, des périodes de troubles viendront. Des périodes de troubles viendront. Et donc lorsqu'il y aura des périodes de troubles, ceux qui vont tenir pendant la période de troubles, hein, t'as tout le monde qui te met la pression. Même les RG qui t'appellent à 22h30. Hein? Ceux qui vont tenir, ce sont ceux qui ont la certitude. Les autres qui vont trembler, ils tremblent. Et donc ici, il nous montre, Mu'adh, qu'il y a un danger qui va toucher la communauté musulmane. Et qu'il faut se préparer pour ça. Comment est-ce que tu te prépares? Apprends ta religion. Apprends ta religion afin de te préparer correctement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui invoquait Allah tabaraka wa ta'ala en disant Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh, toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et donc il invoqua pour rester ferme. Les troubles arrivent, les tentations arrivent. Mais tu restes ferme sur la vérité. Même si les montagnes tremblent et s'effondrent, tu restes ferme, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Et donc il dit Mu'adh radhiyallahu anhu, des périodes de troubles viendront. Il y aura durant celle-ci beaucoup d'argent. Masha'Allah, Masha'Allah. Il y aura durant celle-ci beaucoup d'argent. L'argent, c'est une fitna. L'argent peut être la cause de déviance de personnes qui ont de la science, des savants, des imams, etc. L'argent, c'est une fitna. Et donc, il faut qu'on fasse très attention à cela. Le Coran sera récité à tel point que le croyant, l'hypocrite, la femme et l'enfant le liront. Et donc ici, Mu'adh, il nous montre que le Coran sera propagé. Il y aura des écoles coraniques, etc. On trouve des masahifs partout, même en Europe. Hein? Même dans les pays non musulmans, tu vas trouver des masahifs qui sont distribués comme ça. Et donc normalement, on doit être protégé, puisqu'on a des masahifs dans tous les sens. Normalement, on a même des traductions dans je ne sais pas combien de langues. Donc normalement, les périodes de troubles ne doivent pas nous faire de tort. Eh bien non. Il dit Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. L'un d'entre eux dira, certes, j'ai récité le Coran, mais je pense qu'ils ne me suivront que si j'innove quelque chose d'autre que le Coran. Et donc ici, on voit clairement dans ce hadith que parfois, certaines personnes auront clairement l'intention d'avoir des suiveurs. Ce qui m'intéresse, c'est avoir des gens qui me suivent. Peu importe vérité ou pas vérité, il faut que j'ai un max de suiveurs. Twitter, YouTube, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que j'ai le plus de suiveurs que possible. Et donc, vu que quand je récite le Coran, quand je parle du Coran, les gens ils ne me suivent pas, on va innover autre chose. On va innover autre chose. Déjà, on commence avec les belles vidéos, avec un fond musical qui commence comme ça, etc., etc., etc., comme ils nous font maintenant, hein? Des vidéos de Dean avec un fond musical. Les anachides, etc., etc., etc. Et donc, ici, barakallahu fikoum, il nous montre un grand danger qui va toucher la communauté musulmane. Et c'est pour cela qu'il nous dit derrière, méfiez-vous alors de ce qui est innové. Méfiez-vous alors de ce qui est innové, des innovations. Car toute innovation est un égarement, il dit. Il répète comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et méfiez-vous de l'erreur du sage, c'est-à-dire l'erreur du savant. Un savant peut se tromper. Et donc, méfiez-vous de l'erreur du sage. L'hypocrite peut dire la vérité. Acceptez donc la vérité de celui qui vous l'amène. Peu importe la personne qui vient avec toi. Si elle vient avec une parole de vérité, tu dois accepter. Même si c'est un non-musulman qui dit une parole de vérité, tu dois accepter. Il a dit une parole de vérité, il a dit vrai. Oui, c'est un non-musulman, mais il a dit vrai. Tu ne vas pas dire non, non, non, non, non. Tu ne vas pas faire comme ceux qui ont rejeté la vérité parce qu'elle ne venait pas de chez eux. Lorsqu'ils ont vu que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un arabe, ils ont dit non. Ça ne vient pas de chez nous, on ne prend pas. On ne prend pas. Ça ne vient pas de chez nous. Ils n'ont pas accepté. Alors qu'ils avaient les signes de la prophétie avec eux dans la Torah. Mais ils ont rejeté parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un arabe. Et donc tu ne dois pas avoir ça en toi. Tu acceptes la vérité. Elle vient d'un frère du Maroc. Elle vient d'un frère de la Martinique. Elle vient d'un frère de Jamaïque. Elle vient d'un... Ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Ce n'est pas ton origine, ta couleur, ta grandeur, ta grosseur ou quoi que ce soit d'autre. Nous, ce qu'on veut, c'est la vérité. Et il explique cela, il dit, Mu'adh radhiyallahu anhu, il nous dit, car la vérité est couverte de lumière, rapportée par Abu Daoud. Et donc, il y a dans ce hadith le fait que suivre les conjectures, c'est-à-dire le fait de ne pas suivre des preuves, le fait de suivre des opinions. Et donc, suivre des conjectures, suivre des opinions, fait partie des caractéristiques des gens du livre. Parce que les gens de la vérité, eux, ils suivent les preuves, ils ne suivent pas les conjectures. Ils ne suivent pas des opinions. Je pense que non, ils suivent des preuves. On veut des preuves concrètes. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit dans son livre, Surat An-Nisa, la Surat 4, le verset numéro 157. Wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a adh-dhann wa ma qataluhu yaqina. Concernant la mort prétendue de Isa alayhi salam. Et donc il dit certes ceux qui ont divergé dans ce sujet sont dans un doute en cela. Ils n'ont aucune science sur ce sujet, ils ne font que se baser sur des conjectures. Et ils ne l'ont pas tué. Ceci est une certitude. Yaqina. Et comme on a vu aussi donc, dans ce hadith, le fait que l'argent est une fitna. Le fait que l'argent est une fitna. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans Surat Al-Anfal, donc la Surat 8, le verset 28, وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Et sachez que vos biens et vos enfants sont une fitna, une tentation. Mais Allah, il a auprès de lui une immense récompense. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ. Le numéro. Et donc le verset, donc la sourate 8, le verset 28. Sourate 8, verset 28. Donc dans ce hadith, il y a le fait que le Coran, il est propagé. On a des écoles de Coran et malgré ça, la fitna, elle est présente. Les troubles sont présents. Pourquoi? Parce que le Coran, il a été délaissé. Il est récité. Ça fait partie du délaissement du Coran. Ouais. Le fait de réciter le Coran sans chercher à comprendre son sens fait partie du délaissement du Coran. Parce que Allah, il a révélé le Coran pour que tu le comprennes. Il dit, Tabaraka wa Ta'ala, un livre que nous avons fait descendre sur toi, liyadabbaru ayati, afin qu'il médite sur ces versets. Et donc la cause de la révélation du Coran, c'est pour qu'on médite, c'est pas pour qu'on récite. Et donc oui, il faut réciter le Coran, mais ce n'est pas... Donc le fait de réciter, juste réciter le Coran ne suffit pas. Et voilà pourquoi la fitna elle est présente. Voilà pourquoi il y a beaucoup de troubles à notre époque. Voilà pourquoi c'est difficile. Voilà pourquoi les musulmans sont faibles. Parce qu'on ne cherche pas à comprendre le livre d'Allah. On est là, on le lit. Pour ceux qui sont motivés, on le lit. Mais on ne cherche pas à comprendre. Et comme on a dit tout à l'heure, il y a dans ce hadith le fait que parmi ceux qui récitent le Coran, il y en a qui ont une mauvaise intention, l'intention d'avoir le plus de suiveurs que possible. Il y a aussi dans ce hadith le fait qu'une personne peut réciter le Coran, peut citer ce qu'il y a dans le Coran et dire la vérité, mais que malgré cela, les gens ne le suivent pas. Les gens ne suivent pas cette personne. Comme il dit, donc il est cité ici, jusqu'à ce que l'un d'entre eux dira, certes j'ai récité le Coran, mais je pense qu'ils ne me suivront que si j'innove quelque chose d'autre que le Coran. Et donc on comprend clairement que le fait de réciter le Coran, ça fait que tu n'as pas beaucoup de suiveurs. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont être d'accord avec toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit dans un hadith, Ra'aytu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. J'ai vu un prophète qui n'avait avec lui personne. Personne n'a cru en ce prophète. Il y a dans ce hadith donc le fait de mettre en garde contre l'innovation. Et ça, on a déjà vu avec la parole connue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il nous dit, donc, Iyakum wa muhdathatil umur, méfiez-vous des choses inventées. Ibn Mas'ud, donc, comme on voit dans Sharh Usul i'tiqad Ahl Sunnati wal Jama'a. Ça, c'est une très belle parole d'Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu. Ibn Mas'ud qui dit, Ittabi'u wa la tabtabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Suivez, il dit Ibn Mas'ud, suivez et n'innovez pas. Faqad kufitum, certes, on a déjà fait le travail pour vous. Cela vous suffit. Cela vous suffit. Yakfikum. Et donc c'est important, barakallahu fikum, qu'on comprenne cela, que nous devons suivre. Les gens, aujourd'hui, ils ne veulent pas suivre. Ils disent que c'est un mouton. Je ne veux pas être un mouton. Je ne veux pas suivre. Mais tu suis Shaitan. Tu suis Shaitan. Au lieu de suivre la guidée du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bayhaqi rapporte d'après Urwa ibn Zubayr que Omar a voulu écrire des textes de la Sunna. Donc Omar a voulu écrire des récits de la Sunna. Il a alors consulté les compagnons qui l'orientèrent vers cela. Donc les compagnons qui étaient d'accord avec lui sur cela. Puis il a fait la prière de consultation durant un mois. Puis a dit, je me rappelle d'un peuple avant vous, ils ont écrit des livres et se sont alors tournés vers ceci en délaissant le livre d'Allah, le puissant et le majestueux. Certes, je ne mêlerai rien au livre d'Allah. Je ne mêlerai rien au livre d'Allah. Ce hadith est faible. Donc ce texte, cette parole rapportée à Omar, elle est faible. Pourquoi? Parce que Urwa ibn Zubayr n'a pas rencontré Omar. Cependant, cette parole qui est citée dans ce hadith, dans ce texte, elle est liée à une ambiguïté qui est beaucoup utilisée aujourd'hui. Et il y a des livres sur ce sujet. Quelle est cette ambiguïté? Donc ces gens-là prétendent que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont restés pendant plus de 100 ans sans être écrits, mais que les gens, ils propageaient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam en se basant que sur la mémoire et pas l'écriture. Ce texte qu'on vient de lire, il est lié à ça. Donc Omar qui demande à écrire les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il s'est dit non. Il y a des gens qui ont écrit des livres et qui ont délaissé le livre d'Allah pour se réfugier sur les livres qu'ils ont écrits. Et donc, non, on ne le fait pas. D'accord ? Et donc, ce texte-là est lié à ce sujet. Et donc, ces gens-là, les gens qui propagent cette ambiguïté aujourd'hui, qui propagent cette idée, en fait, ce qu'ils veulent, ils veulent dire que la sunna, elle n'est pas fiable. Tu ne peux pas te baser sur les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des erreurs dedans, t'imagines, c'était pas écrit, et donc ils ont commencé à écrire ça que plus de 100 ans après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et donc forcément ils ont modifié. Subhanallah, cette ambiguïté, même en Martinique, je l'ai entendu. Subhanallah. Qu'Allah facilite. L'imam musulman, il cite dans son Sahih, selon Abu Saïd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La taktubu anni, wa man katab anni ghayra al-Qur'an fal yamhuhu » Il dit donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'écrivez rien de moi. Et celui qui écrit de moi autre que le Qur'an, alors qu'il l'efface. Dans Sahih Muslim. Et là, vous vous dites, Abdul Karim, qu'est-ce que tu nous fais là? Alors ici, parmi les savants, certains qui voient que ce hadith-là, il est faible. Même s'il est Sahih Muslim. Parmi eux, il y a l'imam Al-Bukhari, rahimahullah. L'imam Al-Bukhari, l'enseignant de l'imam Muslim, lui, il voit que ce hadith, il est faible. Et parmi les savants, il y en a qui voient que ce hadith, il est authentique. Parce qu'en fait, la chaîne de transmission, elle est correcte, la chaîne de transmission. Et donc, certains savants, ils voient que le hadith, il est authentique, mais qu'il a été abrogé. Pourquoi ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a permis qu'on écrive de lui. Il l'a permis. Il y a plusieurs textes qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a permis qu'on écrive de lui. Donc, ici, on va avoir une contradiction. Soit on dit que ce hadith-là, il est faible, soit on dit qu'il a été abrogé. Donc, au début, le prophète, il l'a interdit, et ensuite, il a autorisé qu'on écrive de lui. Et il fut dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit qu'on écrive les hadiths au début, parce qu'il avait peur qu'on mélange les hadiths au Coran. Donc, pour éviter que les gens mélangent les hadiths au Coran, il leur a dit, vous n'écrivez que le Coran. Il fut dit encore, autre explication, que ce qui était interdit, ce n'était pas d'écrire les hadiths, mais c'était d'écrire les hadiths et le Coran dans une même feuille. Si tu écrivais les deux de manière séparée, c'est bon, mais écrire les deux dans une même feuille, c'est ça qui est interdit. Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces explications ? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs hadiths qui montrent que le prophète avait permis d'écrire des hadiths. Exemple, dans le Mousnad de l'imam Ahmed, à la conquête de la Mecque. Donc la conquête de la Mecque, c'était vers la fin de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'on dit que ça a été abrogé. Parce que là, on sait que ça... C'était vers la fin, c'était après la Hijra, et ensuite la conquête de la Mecque, etc. Et donc ici, après la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré, il a cité donc, le caractère sacré de la Mecque. Et il a cité plusieurs choses qui étaient interdites à la Mecque. Alors là, un homme qui faisait partie des gens du Yémen, et qui était appelé Abu Shah. Cet homme-là, il a dit, ô messager d'Allah, écrivez pour moi. Et donc, écrivez pour moi tout ce que tu viens de dire. Le prophète, il a cité des choses interdites, etc., etc. Et ensuite, cet homme qui demande, « Ô messager d'Allah, écrivez pour moi. » Alors là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Uktubuli Abishar. » Écrivez pour Abishar. Écrivez pour Abu Shah. Dans Sahih al-Bukhari, d'après Abu Hurairata radiallahu anhu, qui dit, « Ma minas sahabati ahadun aktharu hadithan minni illa ma kana min Abdillah ibn Amr fa'innahu kana yaktub fa'innahu yaktubu wa ana la aktub. » Donc dans Sahih al-Bukhari, que Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit, il n'y a aucun des compagnons qui mémorise, qui a plus de hadiths que moi, sauf Abdullah ibn Amr, car il écrit et moi je n'écris pas. Il écrit et moi je n'écris pas. Et donc ça, c'est la preuve qu'Abdullah ibn Amr, il écrivait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est la preuve que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient écrits à son époque. Ils n'ont pas été écrits 100 ans plus tard ou plus de 100 ans plus tard, comme certains le prétendent, pour montrer que la sunna n'est pas acceptable, etc., etc. Non. Dans le Mousnad de l'imam Ahmed, là c'est Abdullah ibn Amr directement. Tout à l'heure c'était Abu Huraira qui a parlé d'Abdullah ibn Amr. Et maintenant on va voir ce qu'il nous dit Abdullah ibn Amr. Il nous dit dans le Mousnad de l'imam Ahmed, Kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uridu hifzahu. Il dit, j'écrivais tout ce que j'entendais du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que je voulais mémoriser. Tout ce que j'entendais du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je l'écrivais, je voulais le mémoriser. Fanahatni quraishun an dhalik. Alors Quraish, ils m'ont découragé de faire cela. Quraish, ils m'ont découragé de faire cela. Wa qalu taktubu wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fil ghadab wal ridha. Ils lui ont dit à Abdullah ibn Amr, tu écris, c'est-à-dire tu écris tout ce que dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il parle quand il est énervé et quand il est satisfait. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il parle, parfois il peut parler en étant énervé. Quand il est énervé, il va dire quelque chose que peut-être qu'il regrette. Et toi, tu écris ça et tu vas le mémoriser. Et donc ils ont mis cette ambiguïté à Abdullah ibn Amr. Et donc Abdullah ibn Amr, il dit, fais amsaktu. Alors j'ai arrêté. J'ai arrêté de tout écrire. Fadhakartu dhalika li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alors j'ai cité cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai dit, fekol. Alors là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, uktub. Il lui a dit, uktub. Fawalladhi nafsi biyadi, ma kharaja minhu illa haqqa. Il lui a dit, écris, car par celui dont mon âme est entre ses mains, ne sortira de cela que la vérité. Que la vérité. Énervé ou pas énervé, ne sortira de cela que la vérité. Et donc ici, c'est une preuve concrète qui montre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a permis d'écrire. Et que les compagnons, ils l'ont fait, à son époque, de son vivant. Et donc que c'est un mensonge de dire que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont été écrits que plus de 100 ans après lui, et donc les hadiths sont faibles, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des mensonges que des gens essaient de propager pour nous éloigner de la vérité, pour nous empêcher de comprendre le Coran. Parce que tu as besoin des hadiths pour comprendre le Coran. Et donc les gens, ils veulent te laisser comme ça, dans l'ignorance, que tu lises le Coran sans pouvoir le comprendre. Ah, ça veut dire quoi? Allahu alam, on ne sait pas. C'est marqué dans la sunna elle est faible, on ne peut pas. Mais comment on fait pour comprendre? Allahu alam, on ne peut pas. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Waffaqallahu jami'a lima yuhibbuhu wa ardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Wa fikum barakallahu.